Certains adultères entre promesses et mensonges. Certains adultères oppressent mon âme et la rongent. Certains adultères entre promesses et mensonges. Certains adultères oppressent mon âme et la rongent. Et dans mon cœur ça fait bam bam. Et dans mon cœur ça fait bam bam. J'ai pas d'histoire pour faire des rêves, juste un cauchemar pire que les grèves. Pas de poudlard et pas d'élèves. Pas de barbares et pas de glaives. Des contes de fées, pas de fées. Tout qu'on fait, c'est bien mieux quand c'est laid. Oui, je sais, je suis vieux. J'ai qu'une seule chose à te raconter, un peu morose, la vérité. Pas de princesse à libérer, rien que des diablesses à éviter. Ton butin s'est barré, il m'a mené en bateau bien plus loin que les mers. Ma putain s'est barré, t'as laissé mon pirate au fond d'une cale de galère. Ton trésor pas, ma petite merveille, triste comme les soirs où ta merveille. En tout cas, pas sur toi, rassure-toi, je suis là. Mon petit gars, compte sur moi, ton papa ne pardonne pas. Certains adultères entre promesses et mensonges. Certains adultères oppressent mon âme et la rongent. Certains adultères entre promesses et mensonges. Certains adultères oppressent mon âme et la rongent. Et dans mon cœur ça fait bam bam. Et dans mon cœur ça fait bam bam. Et dans mon cœur ça fait. Et dans mon cœur ça fait. En bateau bien plus loin que les mers. Ma putain s'est barré. T'as laissé mon pirate au fond d'une cale de galère. Ton putain s'est barré. Ma putain s'est barré. C'est pour toi le fils qui ne verra jamais le jour. Sur cette carte je pisse la maudite santé. J'ai comme un truc bien lourd sur le cœur, faut que je le lourde, que je gomme. Réduque mon cou ou ma rancœur, que je m'assomme de haine. Pourquoi cette chienne un peu chétane, c'était la mienne. Je suis un âne, c'est la première veine, j'en étais fan. Pour que tu viennes, j'ai besoin d'une femme, coule dans les veines, la haine infâme. Je suis un homme quelque peu irrité par les dames qui te promettent le grand jeu et deviennent bien que la crame. Je fuis les promesses de mariage vers l'amour à tout âge, un gamin très très sage. Allez, vas-y là, casse-toi, dégage.